Le plus bel héritage. Fable. Un marchand avait deux fils. L'aîné était le préféré du père, qui voulait en faire son unique héritier. La mère, qui déplorait l'injustice dont son fils cadet était victime, pria son mari de ne pas instruire les fils de son intention. Il voulait arriver à légaliser le sort des deux fils. Le marchand consentit et ne leur parla pas de son projet. Un jour, la mère était assise près de la fenêtre et pleurait. Un pèlerin qui passait lui demanda la cause de ses larmes. « Comment ne pleurais-je pas ? » dit-elle. « Mes deux fils me sont également chers, mais leur père veut déshériter le cadet au profit de l'aîné. J'ai prié mon mari de ne pas en informer les fils, espérant trouver un moyen de dédommager le cadet. Malheureusement, je ne possède rien et je ne sais comment m'y prendre. » « Cela n'est pas difficile, » dit le pèlerin. « Va déclarer à tes fils que l'aîné doit hériter de tout au préjudice de son frère. Le cadet n'aura rien, et ils seront pourtant aussi riches l'un que l'autre. » Lorsque le fils cadet sut qu'il n'y avait rien à attendre, il partit pour l'étranger, où il apprit les sciences et différents métiers, tandis que l'aîné, restant auprès de son père, négligea de s'instruire, se sentant riche. Lorsque le père mourut, son fils aîné, ne sachant rien faire, dissipa tout son bien, tandis que le cadet s'enrichit à l'étranger.